jimpya huko nitapumzika milele. Nitaketi kwa furaha, nitapumzika kwa Mungu, nitapumzika. Nitafika mavazi meupe, nitafika taji ya ushindi, tamu zote na mateso yote, hakika nitakoma. Nitaungana na malaika, masarafi na makerubi, wa ulimwengu, tachukua kitambaa, atani atani Oh, Radio Louange à Dieu vous propose d'écouter des louanges en diverses langues. Chers auditeurs, rappelez-vous de Psaume 150 verset 6, et d'Hébreux 13 verset 15 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom.